Autant on emporte le The Event, chapitre 5. Embrasser la vérité. Maman ne pouvait pas y croire. Tout semblait si clair à présent. Son attirance pour son ami et sa fascination pour le maire, les Républicains de Levallois-Perret en Ile-de-France. C'était une seule et même personne. Il n'avait plus à se poser de questions. Alpha ! Appelle-moi Patoche. Patoche ! C'est incroyable ! Du cul ! Rire italien. Silence de 45 minutes. Squeezie ne rit même pas. Il faut que je te dise. Non. Laisse tomber. Alpha Cast esquissa un sourire. Il savait probablement ce que le streamer espagnol Channel Number One, je te mets du champagne partout sur ton corps voulait dire. Manu, tu veux peut-être qu'on aille parler en privé ? J'ai mon jet garé en double fil, juste devant la mairie de Levallois. D'accord. Les deux coquinous s'éclipsèrent un instant sous le regard médusé de leurs amis streamers et youtubeurs, dans le cas de JDG et de Squeezie, qui est tout de même le premier youtubeur de France en nombre d'abonnés, ce qui est vraiment pas mal. Et Juice, italien. Je suis le premier youtubé de France. Et je m'appelle Squeezie, et je suis un humain, comme vous. Et moi, je suis italien. Arrivé devant le jet Falcon 900LX d'AlphaCast, Moment se sentait plutôt fébrile. Se sentait-il capable d'avouer ses sentiments interdits à son ami, Main Sombra, fut un temps en tout cas. Entre donc, j'ai fait préparer le salon privé par les domestiques. Waouh, AlphaCast était vraiment de droite, ce qui impressionnait énormément Moment. Une fois arrivé dans le salon entièrement composé d'os de dodo, animal disparu, Moment s'assit sur un fauteuil en fourrure de tigre à dents de sabre, imitation Louis XV. Je t'écoute. Qu'as-tu à me dire ? Sourit-il. Moment essaya de rassembler ses pensées et prit son courage à deux mains. Voilà. Alpha. Patoche. Je t'aime. Alpha Cast sourit et se rapprocha de son ami espagnol. China Number One ! Et tu pensais vraiment que ces sentiments n'étaient pas partagés ? Pour qui crois-tu que je jouais à Beat Saber, torse nu, poil pubien à l'air tout à l'heure ? Pour mon public de cons ? Mais non, c'était pour toi, Moment ! Moment n'en croyait pas ses oreilles, qu'il venait d'ailleurs de faire dégager en sortant de chez le coiffeur. Il ne put se retenir. Il sauta au cou du maire de Levallois-Perret, caster de l'Overwatch League, et l'embrassa tendrement. Soudain, la porte s'ouvrit. Ils se tournèrent, paniqués. C'était le joueur du grenier. Celui-ci semblait extrêmement surpris. Il ne pouvait détacher son regard de ses deux amis streamers. Il laissa échapper dans sa surprise. Contexte.